Jossman, normal, JOS, dans tes fesses. Yeah, clop clop, j'suis le backpack, pute pute, à quatre pattes, jack up sur Snapchat, snap schneck ou snap up, beat beat, black black, clap clap, sur click clack, j'crash crash dans surf surf, maillot sur un plat de pâte, JOS, jamais j'suis au EPS, parce que j'suis chez WAM, mais j'fuis le monde, car quand j'sors, j'me sens comme dans le micro-ondes, passe un micro que j'montre, que le RAP, j'le fais mieux que tous, alors que je tousse, à cause de la drogue douce, et j'mène la vida loca, donc chica loca, veut beat dans boca, j'suis. Posé dans mon local, j'fume tout mon bocal, puis j'm'allume au calme. Yeah, à chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que j'en ai l'occasion, à chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que j'en ai l'occasion. Un dans la gueule, un dans les mains, tout pour ma gueule, tout pour les miens. J'fume un double, j'fume sa pousse, j'fume les deux. J'suis défoncé, c'est marqué en rouge sur mes yeux. Yeah. Hey, quand j'étais petit, y'avait cette petite qui voulait pas de magic. Elle était sceptique, car j'étais petit et squelettique. Qui désormais la bite, quand elle m'a revu, j'ai bien vu qu'elle voulait ma bite. Mais j'connais mon éthique, j'suis pas ceux qui baissent des petites. Sous chirurgie esthétique, j'suis dans la street, j'fume et j'baisse les flics. Ouais, on pète des sticks, dans la gova baisse les vitres. Et j'reste dans le droit chemin, j'ai mon trajet sans bruit, car le mal est le fruit. Récolté par ceux qui sèment le vice, roule un joint et pète le vide. J'demande pardon au nom du père du fils, sinon pas d'excuse, j'suis trop fier. Je t'explique, ça m'arrache les paupières. J'ai un regard plus austère. Je me tais si on fait parler ou je parle quand il faut se taire. Je suis du père dans mon faussaire. Je suis juste un autre noir, c'est notoire. Je vous dis fois le salaire du notaire. En attendant, je fume du matin au soir. Yeah, à chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que j'en ai l'occasion, yeah. Un dans la gueule, un dans les mains, tout pour ma gueule, tout pour les miens. J'fume un double, j'fume sa pousse et j'fume les deux. J'suis défoncé, c'est marqué en rouge sur mes yeux. Yeah, yeah. Hey, merci maman pour le dictionnaire. T'as été visionnaire, peut-être que ça me rendra millionnaire. Et désolé maman pour la fumette, j'suis plus gentil gosse noir à lunettes. Aujourd'hui j'veux voir le monde brûler, mais à l'échelle du monde, j'suis qu'une vulgaire allumette. Et si le monde écarte les jambes, j'hésiterai pas à lui mettre. J'ai pas toujours été stable, parfois j'étais stable. L'hiver sur le bitume dans la street, on rêve d'été de sable. J'suis retrouvé par City Stade, j'voulais rentrer dans tous les trous. Sans être sous écrou, fallait que je gagne à tous les coups. Je me souviens quand j'étais fou, j'avais rien et je voulais tout. Je rêvais d'avoir des couilles en or. Et je m'endors mais sur du temps mort. Je suis ni rockstar ni gangster. Je porte des babe stars, enfoiré qu'est-ce. Je suis meilleur un point à trait. Je suis meilleur, ils sont pas prêts. Je suis le soir, le matin, l'après-midi. En attendant le jour d'après. Ah, chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion.